Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Ben, mission accomplie pour l'organisation du hockey mineur de Robertval. Environ 1066 personnes ont franchi les tourniquets du centre sportif Benoît-Lévesque vendredi soir, alors que les Saguenayens de Chicoutimi ont défait les Cataractes de Shawinigan 8-7 en prolongation. À noter que dans ce match, que Ryan Verbeek a marqué 2 buts et a amassé 2 passes. Jake Smith a amassé 2 buts. Mathieu Desgagnés a compté 1 but et 1 passe. Il y a Jean-Simon Bélanger qui a un but de passe, de même que Nicolas Gay et Marc Brownie. 3 passes pour Nicolas Roy. On devrait savoir aujourd'hui si Jean-Simon Bélanger fera l'équipe. Les coupures finales devraient être annoncées aujourd'hui. Et un qui était bien fier, ben, c'est le président du hockey mineur de Robertval, Hugo Maltais, qui a interrogé entre la deuxième et la troisième avec Marc Denis. Ben, c'est dit extrêmement satisfait de la réponse du public de Robertval. Activité. On peut voir, là, l'aréna est pleine, les gens ont répondu. C'est une très belle activité, c'est une belle initiative des Saguenayens. Je les remercie. En passant, j'en remercie M. Marc Denis. Et écoute, c'est une fierté pour nous autres d'avoir là, l'aréna pleine pour nos deux jeunes de Robertval et de Mastéliache. Avec le vice-président hockey des Saguenayens, Marc Denis, était présent également à Robertval et il mentionne que les planètes étaient alignées pour présenter un tel événement. Un horaire qui nous permettait d'avoir un match pré-saison ici contre les Cataractes dans la région. La collaboration, évidemment, de Samuel puis de Louis-Philippe, qui sont des vétérans, mais qui voulaient pas manquer ce match-là. Puis la collaboration des entraîneurs aussi. C'était peut-être pas évident de pouvoir deviner que Jérémy Fortin et que Jean-Simon Bélanger allaient être encore présents, être là au camp et en mesure d'être sur la patinoire. Fait que la collaboration de tout le monde là-dedans a été un. C'est sûr que les astres étaient alignés. Le mariage était peut-être un petit peu plus facile là, de ce côté-là à faire. Puis ça prenait quelque chose comme ça pour relancer ce type d'activité-là qui n'avait pas été fait depuis longtemps pour les Saguenayens. Oui. Et Marc Denis a mentionné que ce match était un désir pour les Saguenayens de se rapprocher des gens du Lac-Saint-Jean. Et on en a parlé dès notre arrivée. On espère que dans les prochaines semaines, on va être capable de continuer dans ce processus-là. Mmh. On sait qu'il y a un conseil d'administration qui va être nommé éventuellement aussi. Les gens du Lac, oui, bientôt. Les gens du Lac-Saint-Jean ne seront pas oubliés. Alors, oui, ça fait partie de ça, mais aujourd'hui, au-delà de quoi que ce soit de stratégique, c'est aussi une implication du côté de l'organisation, un désir de se rapprocher des hockey mineurs à travers le Saguenay-Saint-Jean. Encore plus que de se rapprocher du lac, du Saguenay ou de faire de la business. Aujourd'hui, les grands gagnants, tout le monde est gagnant, mais les grands gagnants, M. Maltais vient de le dire, 6 000 pour le hockey mineur, c'était peut-être même au-delà des espérances au début. Puis ça, on en est hyper fiers, puis la contribution qu'on a pu apporter là-dedans, tant mieux. Très complet pour moi. Côté hockey, Marc. Tant que Samuel Girard, l'enfant chéri de Robertval, il était vraiment content de voir que les gens ont répondu à l'appel. Les lignes, là, sérieusement, tu sais, depuis la tombe de vie, il n'avait pas joué ici. C'est un match qui, comment on peut dire, tu sais, c'est une bonne expérience pour Robertval. Ils sont toujours là. Je pense que Robertval, c'est le seul d'hockey. Je pense qu'aujourd'hui, ils l'ont prouvé. Dernière question, Sam. Là, tu t'envoles pour Nashville. On est prêt, j'imagine. Les Saguenayens ont également perdu 4-1 contre l'équipe des Cataractes de Shawinigan hier à Shawinigan. Samuel Girard a amassé 2 passes encore dans la partie. Et notons que Nance Morgan a été le seul marqueur pour les Saguenayens. Parlons de golf. Pierre-Alexandre Bédard a très bien fait en finissant au 8e rang lors d'un tournoi qui se déroulait à Saint-Georges-de-Beauce. Bédard a joué 63 hier, soit moins 9, et a réussi un cumulatif de moins 30. Il a joué 5 coups sur son plus proche rival. Il y a Kevin Fortin-Simard également qui a bien fait. Il a terminé au 27e rang. Simard a joué moins 11. Et on va parler du marathon des deux rives qui s'est déroulé hier à Québec. Éric Marcoux de Saint-Félicien a enlevé la 44e position lors du marathon qui se déroulait hier. Marcoux qui a négocié la distance du 21 km avec un temps de 2h57. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.